C'est un vieil homme au visage d'avant, couché, penché sur un morceau de bois, tête rentrée mais rentrée survivant, de ses enfers ne revient pas. C'est un vieil homme au visage marqué par la douleur et par le désespoir, qui ne dit rien et ne sait plus rêver que de soldats nuits de brouillard. Ce sont des gosses, des gamins de passage, fils de la rue, enfants de nulle part, ignorant tout de l'ombre et des orages, de l'existence et du poids du hasard. S'ils se croient forts, c'est d'être plus nombreux. S'ils se croient fiers, c'est de se sentir fort. Eux qui pensaient que la vie est un jeu, ils l'ont poussé, le vieil homme est mort. Ils ont jeté sa canne au caniveau, il est tombé sans un cri, sans un mot. Mais dans la terre et dans le gris de l'eau, on entendit s'écouler un sanglot. Tête posée sur le sang du trottoir, jambes cassées au devoir de mémoire, va mourir en portant son histoire, et avec elle le secret de l'espoir. À une époque, il y a bien longtemps, elle se serait relevée à la rue. À cette époque, il était résistant, pas résigné à des causes perdues. Et sa kippa qui traînait sur le sol, vieille kippa qu'il n'a jamais quitté, loin de sa tête faisait comme un symbole, une grimace à toute l'humanité. S'ils avaient su ces enfants de misère, s'ils avaient vu l'horreur de ces combats, s'ils avaient pu entendre la colère de son passé qu'ils ne respectent pas, ils auraient dû, nos enfants de la vie, ne pas juger sur leur seule croyance, qu'ils se souviennent à jamais de celui qui pour toujours entrera en silence. Ils ont jeté sa canne au caniveau, il est tombé sans un cri, sans un mot. Mais dans la terre et dans le gris de l'eau, on entendit s'écouler un sanglot. Tête posée sur le sang du trottoir, jambes cassées au devoir de mémoire, il va mourir en portant son histoire, et avec elle le secret de l'espoir. Ils ont jeté sa canne au caniveau, il est tombé sans un cri, sans un mot. Mais dans la terre et dans le gris de l'eau, on entendit s'écouler un sanglot. Tête posée sur le sang du trottoir, jambes cassées au devoir de mémoire, il va mourir en portant son histoire, et avec elle le secret de l'espoir.